Oui, voilà. J'ai de la latence quand même. Hein. J'ai un peu de latence sur ton ordinateur. Sausage. Music. Music maestro. And the music play. T'entends pas. No, no son pour monsieur Ézéchiel. Ouais, il y a vachement de bassistes. Trois bassistes. C'est rare. Comment je peux faire pour? Eh ben, on t'entend pas. On y a rien qui bouge. On fait quoi, mon ami Ézéchiel?